pas un jeu, on a la m'abîmé. J'ai tourné en rond toute la matinée. Mes biscottes, même pas un peu tartinées. J'ai pensé à mes amitiés périmées. C'est parti de R, ça c'est envenimé. C'est parti de R, ça c'est envenimé. Maintenant il nous reste juste qu'à assumer. C'est toute mon énergie que t'as consommée. J'ai mal au crâne, j'ai même plus sommeil. Dans l'appartement, j'ai vu rentrer le soleil. Elle m'a appris tard, ben cette semaine. Quand j'ai trop la haine, toutes mes pensées se mêlent. C'est mon équipe derrière les vitintés. Les opportunités, faut vite les tenter. Ne me force pas à vouloir te guinter. J'ai plein de proches qui veulent trop t'éclater. J'ai pas assez blindé, mon cœur c'est réel. Ça te l'a fait indiscret, toi c'est cruel. Je me suis forgé dans ces deux trois ruelles. Des idées me viennent en regardant le ciel. Faut pas t'exciter, tranquille, chacun sa place. Je provoque les choses, ça va vite, le temps passe. Si je fais pas, personne fera à ma place. Je me suis compris et appris dans l'impasse. M'observe de la zone, t'as capté l'univers. Tu crois que je suis mauvais, tu m'as lu à l'envers. On tremble pas devant une quiche de sang vert. Personne nous achète, la mentale est en fer. Adore et platine, tu plus qu'affilié. Je dois me méfier des fausses amitiés. Quand de Kofia, je me suis bien habillé. Je quitterai le son pour les 5 piliers. Et peut-être qu'on y est bientôt. Bang, bang, bang. C'est le son des barillots. Tu fais le show, t'es dans le faux. Tu m'as sous-estimé, je vais te mettre le feu. Je vais te mettre le feu. Tu crois c'est un jeu, tu vois pas le danger, tu vois pas l'enjeu. J'aurais pu me venger, tu vois dans mes yeux encore la haine que j'ai. Tu fais le show, t'es dans le faux. Tu m'as sous-estimé, je vais te mettre le feu. Je vais te mettre le feu. Tu crois c'est un jeu, tu vois pas le danger, tu vois pas l'enjeu. J'aurais pu me venger, tu vois dans mes yeux encore la haine que j'ai.